Anyang. Merci de nous rester fidèles, madame et monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. La jeunesse étudiante appelée à servir de modèle en matière de protection et promotion des droits de l'homme. Vous l'entendrez dans cette édition, c'est de la part du président de la CNIDH. Début ce samedi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et c'est pour les enfants de 0 à 7 ans. Plus de 2 millions sont attendus. En province Kayanza, on vous parlera des grognes des théiculteurs de cette province qui déplorent le prix de la feuille verte fixée à 280 francs le kilo. Entre-temps, le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine s'est convenu sur une hausse de ce prix. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois, page santé, pour débuter cette édition. Début ce samedi dans tout le pays de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et c'est pour les enfants de 0 à 7 ans. Plus de 2 millions d'enfants sont attendus selon le ministère de la Santé, qui fait savoir que l'objectif du gouvernement est d'éradiquer complètement cette épidémie dans 120 jours. Et la direction de la santé en province de Changhuzo se prépare à faire face au mouvement migratoire observé sur les frontières de la province Changhuzo avec la Tanzanie durant cette campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a commencé ce samedi. Le médecin provincial l'a dit au cours de cette semaine et c'est pour inciter la population à répondre à cette inciter la population à répondre à cette vaccination. En province de Changhuzo, plus de 88 000 enfants de 0 à 7 ans sont attendus et le chef de cabinet à la province de Changhuzo met en garde ceux qui vont boycotter ou influencer le boycott de cette campagne. Poursuivons cette édition, la jeunesse étudiantine du Burundi est appelée à servir de modèle en matière de protection et promotion des droits de l'homme. En appel lancé par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, dans un atelier sur le rôle de la jeunesse universitaire dans la promotion des droits de l'homme. Ce samedi, pour Dr Sixte Vigny Nimuraba, dite jeunesse a un rôle prépondérant dans l'avenir du Burundi. Suivez. Nous sommes conscients que s'il faut prévoir en Burundi de demain, il faut que la jeunesse étudiantine soit sensibilisée sur les rôles en rapport avec la protection et la promotion des droits de l'homme. Et parce que s'ils comprennent l'avantage du respect des droits de l'homme et s'ils respectent ces droits de l'homme, ils vont contribuer à un Burundi qui est meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, on doit sensibiliser parce qu'on sait qu'on a besoin de futurs leaders qui maîtrisent bien les droits de l'homme pour que quand ils vont occuper différentes positions, que ce soit administratives ou autres, qu'ils tiennent toujours en compte l'aspect droits de l'homme dans leur travail. Ils sont dans les universités le jour, mais le soir ou le week-end, ils sont avec les autres groupes cibles, que ce soit l'administration, que ce soit les familles et tout consort. Ça veut dire que s'ils maîtrisent les droits de l'homme, ils vont tout faire pour les faire respecter. Donc, ils vont d'abord être un bon exemple pour respecter ces droits de l'homme, mais aussi, ils vont les faire respecter. C'est pour cette raison qu'on croit qu'en sensibilisant ces groupes cibles, ils vont avoir un impact vraiment très visible dans la société et même pour le futur du pays. Le message à l'endroit de la communauté étudiantine, c'est qu'ils doivent prendre à main le destin de leur pays. Donc, ils doivent toujours faire allusion aux droits de l'homme dans les prises de décision et ils doivent le vivre n'importe où ils sont, que ce soit à l'université, que ce soit dans les autres milieux et même à la maison. Ils doivent être le modèle pour respecter les droits de l'homme, mais aussi contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme n'importe où ils se trouvent. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page agriculture à 18h06 dans le studio de la radio Isanganiro. Les téiculteurs en province Kayanza déplorent le prix des feuilles vertes qui est fixé à 280 francs le kilo. Ils demandent la hausse de ce prix vu les dépenses qu'ils engagent lors de l'entretien de cette culture. Ils se sont exprimés ce vendredi dans une rencontre avec les téiculteurs pour être sensibilisés sur l'adhésion dans une microfinance des téiculteurs du Burundi dite Kamishicha. Le point avec Patrick Nsengiyumva. La coopérative Akeza Karigura, qui regroupe aujourd'hui plus de 6000 téiculteurs des communes Murta, Kabarole et Matongo à Villejour en 2014. Des grandes activités exercées par la coopérative sont notamment accordées des prêts aux téiculteurs et l'octroi des bovins à ces mêmes téiculteurs afin qu'ils trouvent facilement du fumier pour les plantations téicoles, comme le précise Ponce Minan et le président de la coopérative. Certains des téiculteurs à Kayanza contactés ont indiqué que cette culture leur permet de subvenir aux besoins fondamentaux de tous les jours et de s'autodévelopper dans leur ménage. Pourtant, les mêmes téiculteurs déplorent le prix d'un kilogramme de feuilles vertes et du thé qui est fixé à 280 francs seulement. Ils demandent de la hausse de ce prix jusqu'à au moins 500 francs, vu selon les moyens qu'ils dispensent pour l'entretien de leur champ téicole. Ponce Minani, le président de la coopérative Akeza Kaligura de Café Cultel à Kayanza, tranquillise les cafés cultels que la question est déjà soumise aux instances habilitées et qu'elle trouvera solution dans un proche avenir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiyumva. Entre-temps, le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a analysé le prix du kilo du thé et a approuvé l'augmentation du prix du thé comme fait pour le café. Et le même Conseil des ministres a annoncé un stock stratégique de haricots pour bientôt. Suivez cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres du par Prosper Nawgwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a informé le Conseil que la saison culturelle a été très bonne. Il a indiqué les mesures prises pour une bonne gestion de la récolte. Il a demandé au ministre en charge du commerce, de l'agriculture et de l'intérieur de se mettre ensemble pour déterminer le coût de production du haricot pour fixer un prix aux producteurs plus rémunérateur. Dans ce même cadre, il a été demandé à la Nagesa de constituer un stock stratégique du haricot. Son Excellence le Président de la République a en outre demandé au ministre en charge de l'Agriculture de revoir le prix du thé en fixant un prix aux producteurs plus rémunérateurs, à l'instar de ce qui a été fait pour le café. Il n'a pas manqué de rappeler aux membres du gouvernement de sensibiliser la population, de procéder à l'irrigation des cultures pendant cette saison sèche pour lutter contre la faim et surtout que chaque ménage ait au moins un petit lopin de terre à entretenir au cours de cette période. Revoir à la hausse le prix de vente d'un kilo de sucre ou sursoir à la collecte des taxes payées par la société sucrière du Mosso Sosumo sont les pistes d'atténuation de la faillite de cette entreprise, comme également analysé par le Conseil des ministres. Suivez encore une fois Prosper Nawgwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. La Sosumo produit chaque année une quantité de sucre qui oscille autour de 20 000 tonnes. Cette quantité reste insuffisante par rapport à la demande locale car les besoins annuels en sucre sont estimés à 36 000 tonnes et ne cessent d'augmenter. En vue de satisfaire la demande locale en sucre, la Sosumo fait recours à l'importation pour compléter sa production. La structure actuelle du prix du sucre date de mars 2017. Et ne permet plus à la Sosumo de couvrir toutes les dépenses compte tenu de la conjoncture économique actuelle. Étant donné que la source principale des recettes de l'entreprise provient de vente du sucre, toute variation à la hausse des prix dans l'acquisition des intrants agricoles, équipements et produits intervenant dans le processus de production du sucre engendre des retombées négatives sur la vie de l'entreprise. Compte tenu du cours de change actuel, la Sosumo vend le sucre à perte, surtout le sucre importé, ce qui affecte très négativement ses activités et risque de conduire l'entreprise à la faillite si des mesures d'accompagnement ne sont pas prises à temps. Pour faire face à cette situation délicate, deux propositions de mesures d'atténuation sont émises. Premièrement, revoir à la hausse le prix de vente d'un kilogramme de sucre. Deuxièmement, sursoir à la collecte des taxes payées par la Socimo. À l'issue de l'analyse de la note, le Conseil des ministres a constaté qu'effectivement, la structure du prix actuel mérite d'être revue, mais a recommandé ce qui suit. Refaire les calculs en montrant la part du sucre produit localement et le choc produit par le sucre importé pour fixer une structure de prix raisonnable. Montrer le coût de production d'un kilo de sucre produit localement. Élaborer une étude sur le choc produit par l'ajustement du taux de change à présenter aux partenaires. Page politique de cette édition, les membres de certains partis politiques en province Boubanza déplorent l'état de cohabitation des partis politiques. Des fois, des malentendus sont enregistrés et demandent que l'espace politique soit déverrouillé. En avis contraire, au niveau de l'administration à Boubanza, le conseiller socio-culturel du gouverneur apprécie plutôt positivement la cohabitation entre partis politiques. Le point avec Space Caritas Kabanyana. Le représentant provincial du parti SNL dénonce les perturbations enregistrées le mois passé lors d'une fête de Zinyangamugayo sur la colline Butavuka en commune Rugazi. Alexis Manirakiza fait savoir que certains jeunes de la Ligue Imbonerakure sont restés tout près de la place où se tenait la fête. Et à la fin, certains Inyangamugayo se sont heurtés à ces jeunes qui les attendaient en chemin. Alexis Manirakiza précise que ce cas est l'un parmi beaucoup d'autres qui montrent une mauvaise cohabitation entre les membres des partis politiques. Au niveau de l'IPRONA, c'est aussi une appréciation négative. Un membre contacté déplore les propos tenus par le représentant du parti au pouvoir sur la colline Gihungwe, où il disait que le parti SNL ne pourra pas fixer sa permanence sur cette colline, ce qui montre une mauvaise cohabitation et une intolérance politique. Certains membres du CNDD-FDD contactés n'ont pas accepté de parler au micro, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas empêcher d'autres partis à travailler. Ils encouragent plutôt une compétition de plusieurs partis politiques. Au niveau de l'administration provinciale, c'est plutôt une appréciation positive sur la cohabitation des partis politiques. Emmanuel Ngendalanga, conseiller socio-culturel du gouverneur, fait savoir que tous les partis politiques mènent une bonne cohabitation dans cette province. Il les appelle aux travaux de développement et à mener leurs activités conformément à la loi. Spécialitas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Parlons environnement à présent. Les chefs des États des pays riverains du lac Tanganyika devraient analyser ensemble la poursuite des activités de protection de ce lac. Ça en appelle d'Albert Mbonerané, ami de la nature, qui trouve que la mise en œuvre de la convention signée en 2003 en Tanzanie est importante pour assurer la bonne gestion des eaux de ce lac. Suivez. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un manque d'appropriation de la part de nos dirigeants locaux, parce que si je suis chef de zone, je devais me rendre compte qu'il y a des nécessités de protéger les bords du lac Tanganyika. La convention sur la gestion des eaux du lac Tanganyika, qui a été signée, c'était en Tanzanie en 2003. Le Burundi, je sais qu'il a été le premier pays des quatre pays, la Tanzanie, le Burundi, la Zambie et la RDC, à ratifier cette convention le 22 juillet 2004. Et là, quand vous lisez bien cette convention, c'est que en dehors de l'autorité du lac Tanganyika qui couvre les quatre pays, nos dirigeants auraient dû mettre en place un système de suivi, c'est-à-dire les présidents des quatre pays devraient se rencontrer un jour pour voir quelle est la situation des eaux du lac Tanganyika. Et l'autorité du lac Tanganyika qui a son mandat devrait chaque fois présenter au chef d'État la situation et puis pour dire comment est-ce que nous devons gérer convenablement les eaux du lac Tanganyika pour la durabilité. Alors maintenant, quand vous voyez les eaux du lac Tanganyika montent vers chez nous, si vous allez à Kalemi, à RDC, c'est presque la même chose. Un problème sans solution est un problème qui est mal posé. Alors si les quatre chefs d'État se mettaient ensemble pour dire finalement cette situation est liée à quoi, il y a des experts qui peuvent dire voilà, les problèmes sont là. Une fois qu'on aura diagnostiqué les problèmes, on avance vers l'étape suivante. Face à ce problème, quelles sont les pistes de solution? Mais si on ne se réunit pas, si chacun continue à réfléchir en Tanzanie, en Zambie de façon séparée, on va trouver peut-être un problème lié seulement à la Zambie et on va trouver une solution au problème auquel fait face la Zambie en oubliant que nous partageons un même bien commun que le lac Tanganyika. Ambassadeur Albert Mboneranye, ami de la nature. Parlons sport pour clore cette édition des préparatifs de la compétition internationale de volleyball de sable qui se déroule au Burundi du 17 au 21 août de cette année. Sont très satisfaisants le général de brigade de police, Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, indique qu'au total 26 pays ont déjà confirmé leur participation. On l'écoute. L'état d'avancement de l'organisation de la compétition mondiale qui se déroulera ici du 17 au 21 août 2023. Ça sera une compétition de volleyball beach qui a le niveau mondial. C'était une façon de vous éclairer sur l'état d'avancement des activités déjà réalisées dans le cadre des préparatifs de cette compétition. Nous avons déjà mis en place le comité d'organisation qui a été validé par la Fédération internationale. Nous avons déjà envoyé la liste des arbitres. C'est-à-dire qu'il y aura 3 arbitres internationaux qui viendront du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya et une vingtaine d'arbitres burundais. Nous avons conclu des contrats avec la Fédération internationale sur les équipements qu'on va utiliser, entre autres les filets, le système et donc le net system. Et nous avons aussi conclu sur celui qui sera le responsable de la compétition, technical delegate. Il a été aussi nommé par la Fédération internationale. Présentement, on peut s'évaluer à 50%. C'est vrai, on n'a pas encore de sponsoring, mais nous avons espéré qu'il y aura des sponsors. Aussi, il y aura l'appui du ministère et à le sport dans ses attributions. Pour ce qui concerne les pays qui vont participer donc, dans cette compétition, en principe, il y aura 26 pays, y compris le Burundi. Et le Burundi va aligner 3 équipes, dont 2 équipes masculines et une équipe féminine. Et puis, il y aura 25 autres pays qui vont participer. Et donc, ceux qui nous ont déjà envoyé leur plan de vol, il y a le Cameroun, il y a la Tchécoslovaquie, il y a la Gambie, il y a l'Allemagne, il y a la Latvia du côté homme, il y a le Cameroun, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne et le Kenya du côté féminin. On attend la confirmation des autres pays. Au fur et à mesure, on va vous communiquer toutes les nouvelles de cette compétition. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui assurait la mise en onde tout de suite après cette édition. C'est la revue de la presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Allô Seni, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Son confrère interpelle la Commission électorale nationale indépendante après la décision du ministre burundais en charge des affaires intérieures de suspendre sur tout le territoire burundais les activités de la première formation politique d'opposition afin, entre guillemets, d'éviter les confrontations entre militants du CNL. Ce qui, aux yeux du président de cette formation politique, Agathon Rwasa, est une dérive dictatoriale, des mesures excessives qui violent la Constitution et la loi sur les partis politiques, écrit cet hebdomadaire. Pour ce confrère, l'ouverture de l'espace politique doit être permise à tous les partis politiques ainsi qu'à leurs activités. Les divergences de vues devraient être acceptées. Les organes habilités doivent se rassurer du respect du principe sacro-saint de tolérance. C'est notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Au fait, la CENI, où est-elle? Que fait-elle? Conclut l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu. Le protectionnisme est-il opportun? S'interroge Burundi Echo dans son éditorial, allusion faite à la décision des administratifs d'interdire que la récolte des denrées alimentaires dépasse soit les frontières d'une commune, soit les frontières d'une province. Par ailleurs, estime son confrère, des questions se posent. Les communes ou les provinces qui prennent des décisions allant dans le sens du protectionnisme s'autosuffisent-elles? Ne sont-elles pas prêtes à recevoir des produits alimentaires en provenance d'ailleurs, surtout que celles-ci diffèrent selon les régions? Il s'agit des décisions qui vont dans le sens contraire des protocoles d'intégration régionale ou des projets pouvant booster l'économie d'un pays, poursuit ce journal. Pour l'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique, plutôt que de s'enfermer sur soi, vaut mieux se préoccuper de l'augmentation de la production jusqu'à disposer d'un surplus. Revue de la presse. Des effectifs pléthoriques dans certaines écoles handicapent la réussite, constate l'agence burundaise de presse, qui regrette que le phénomène fait parler de lui encore, surtout dans les communes de Rugombo et Mugina, ce qui est confirmé même par le directeur provincial de l'éducation, Joseph Nyandwi. Ce journal donne l'exemple de l'Ecofo Chibitoke en commune Rugombo, où les écoliers s'assoient à 4 ou 5 par banc pupitre et d'autres par terre. Dans ces conditions, poursuit cet hebdomadaire de l'éducation, le directeur de cette école, Pierre Kidaga, a indiqué qu'il est difficile de gérer ce genre de classe pour contrôler toutes les activités des élèves, ajoutant que cela constitue une des causes majeures qui handicapent les apprentissages et la réussite des apprenants. Éducation toujours, le journal La Voix de l'enseignant parle de certaines écoles de la mairie de Bujumbura mal entretenues. Notre collègue s'est dirigé à l'école secondaire des techniques administratives ESTA, ancienne Athénée primaire. Les infrastructures de cette école sont entourées par des champs de patates douces, dominés par une savane qui pourrait abriter des animaux sauvages, principalement des serpents. Le côté ouest de la même école abrite une prairie dominée par certaines espèces d'arbres qui constituent un rideau de murs pour ceux qui urinent dans cet endroit. Dans une autre école, Stella Matutina, aussi vieille datant de la période coloniale, les vitres de certaines fenêtres sont cassées, certains endroits de la toiture ont des fuites d'eau, ce qui provoque des moisissures sur le plafond. La voix de l'enseignant constate, d'après ses sources, que toute infrastructure publique nécessite d'être entretenue et un accent particulier devrait être mis sur les écoles en vue de permettre aux apprenants de suivre les cours dans des conditions favorables. Et pour clore cette revue, le pape opéré pour un risque d'occlusion intestinale a annoncé le Vatican, selon Net Press dans sa dépêche du mercredi 7 juin, précisant que le pape François, 86 ans, a été admis mardi à l'hôpital de Gemelli à Rome pour être opéré en urgence sous anesthésie générale ce mercredi 7 juin dans l'après-midi. Cette intervention chirurgicale, rendue nécessaire par l'aggravation des symptômes présentés par le pape, selon son équipe médicale, entraînera plusieurs jours d'hospitalisation, a précisé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, cité par son confrère, ajoutant que cet hôpital a accueilli pour la première fois un Saint-Père le 13 mai 1981. Selon des informations à disposition de ce quotidien en ligne, les autres papes avaient l'habitude de tomber malades et de mourir au Vatican. Net Press rappelle que suite à un accident inattendu, où le pape Jean-Paul II a été fusillé en plein public par un aventurier, il a été dépêché à cet hôpital, ce qui a fait de lui la structure sanitaire des dignitaires du Vatican. C'est la fin de cette revue de presse. Elle vous a été présentée par Alain Désiré Boukeneza ainsi que Mireille Kanyange. À la prochaine. Revue de la presse.